Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 51. Des parties potentielles de la prudence, ou des vertus que la prudence unit. Le bully ou bon conseil, le bon sens, le discernement ou jugement. 1. Le bully est-elle une vertu? Que le bully soit une vertu humaine, c'est ce qui résulte de son étymologie même, bon, conseil, et de la définition de la vertu. L'essence de la vertu, n'est-ce pas de rendre bons les actes de l'homme? Le bully, qui n'est autre, comme son nom l'indique, que le bon conseil dans les choses pratiques, lesquelles constituent la vie humaine, est nécessairement une vertu. Note. Le bully, du grec boulia, nous fait découvrir les moyens les plus propres pour arriver à une fin, et principalement à la fin dernière. Fin de la note. 2. Le bully est-elle distincte de la prudence? La prudence commande, le bully conseille, ce sont deux vertus distinctes, et parfois séparées, mais, le conseil étant subordonné au commandement, le bully dépend de la prudence, elle n'est pas une vraie vertu sans elle. 3. Le bon sens est-il une vertu? Tel qui est très éclairé dans le conseil manque quelquefois de bon sens dans la pratique, ainsi vous rencontrez dans les sciences des hommes d'une grande capacité intellectuelle, qui n'ont pas cependant le jugement très sûr. Le bon conseil ne suffit donc pas sans ce sens droit qui fait dire de quelqu'un, c'est un homme de bon sens. Le bully est une vertu, donc, à plus forte raison, le bon sens en est une. 4. Le jugement est-il une vertu autre que le bon sens? Certaines actions doivent être accomplies en dehors des règles ordinaires. Quand un ennemi de la patrie, par exemple, redemande un dépôt, on est parfois dispensé de le rendre. On pourrait citer d'autres cas analogues, par lesquels on verrait que, dans des circonstances exceptionnelles, notre jugement doit se régler sur des principes supérieurs aux règles communes du bon sens. Pour de tels principes, il nous faut une vertu supérieure, que l'on nomme le jugement. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.